franceinter.fr. Bonsoir. La scène est saisissante. Imaginez, 28 janvier 1947, à Londres. Dans un salon de Buckingham Palace, au milieu de la foule, une petite fille s'avance timidement vers le roi d'Angleterre. Elle n'a que 5 ans. Elle s'appelle Tania. Elle est orpheline. George VI se penche vers elle et épingle à sa robe une décoration, une des plus prestigieuses, la George Cross, énorme soudain sur cette petite poitrine. « Tu devras toujours la porter comme ça, sur le côté droit », lui dit-il. « Car maintenant, c'est toi qui représentes ta mère, Violette Szabo. » C'est l'histoire de Violette Szabo que je vais vous raconter ce soir. Résistante, agent des services secrets britanniques, Violette Szabo est devenue après-guerre un véritable symbole, celui d'une jeunesse prête à tous les risques pour vaincre Hitler, parfois à la limite de l'insensé. Symbole dérangeant aussi d'une mère engagée dans des missions très dangereuses et laissant derrière elle son enfant. Violette Szabo est devenue un mythe parce qu'elle était très belle, une beauté à la Ingrid Bergman, en brune, mais surtout parce qu'elle s'est révélée d'un courage exceptionnel lorsqu'arrêtée et torturée par les nazis, elle ne parlera pas. À travers cette histoire singulière, c'est aussi celle de tous les agents du SOE dont nous allons parler ce soir. Des hommes et des femmes souvent oubliés, sans lesquels pourtant le débarquement allié et la libération n'auraient sans doute pas été possibles. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka et à la technique Gilles Gaillard. Sébastien Albertelli, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste de la résistance et en particulier du BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui était le service d'espionnage de la France libre, créé à Londres par le général de Gaulle en juillet 40. Mais vous connaissez bien aussi, bien sûr, le SOE, Special Operation Executive, le service secret créé, lui, par Churchill au même moment à Londres. Alors avant de parler de Violette Szabo, notre héroïne, j'aimerais, si vous le voulez bien, pour bien comprendre l'enjeu de cette histoire, que vous nous expliquiez plusieurs choses. D'abord, je viens de dire que sans ces agents secrets, le débarquement et la libération en 1944 et 1945 n'auraient sans doute pas eu lieu. Pensez-vous, vous aussi, que leur rôle a été déterminant, décisif même ? Alors, leur rôle a incontestablement été très important. Décisif, c'est discutable. Évidemment, eux-mêmes le pensaient. Ils avaient des raisons importantes de le penser, vu les sacrifices qu'ils avaient acceptés pour cette action. Après, quand on observe les responsables militaires, ceux qui ont organisé le débarquement, il faut observer qu'ils n'ont jamais considéré, disons, l'action de tous ces services secrets que comme un bonus, quelque chose qui allait permettre, disons, d'accélérer peut-être, de faciliter le débarquement. Le rôle de tous ces agents du SOE en France, c'était d'organiser une vaste opération de sabotage, en fait, coordonnée, notamment contre les voies ferrées, contre les transmissions, de manière à empêcher les Allemands de transférer, ou disons de moins de ralentir le transfert des troupes allemandes qui se trouvaient ailleurs, plus au sud ou plus à l'est, vers la tête de pont en Normandie. Alors, l'histoire que je vais vous raconter dans quelques minutes commence à Londres, le 14 juillet 1940. Alors, pouvez-vous, Sébastien Albertelli, nous rappeler d'abord quel est le contexte très dramatique de la France et de l'Angleterre à ce moment-là précisément ? Alors, au cours de l'été 40, effectivement, le continent pratiquement tout entier est sous la domination allemande. L'armée française, qui était réputée l'une des premières armées du monde, invincible, a été balayée, l'invincible. Voilà, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. C'était écrit jusque sur tous les monuments de Paris. Cette armée a été balayée en 6 semaines. Un certain nombre de soldats se sont retrouvés à Londres et ont rallié pour certains le général de Gaulle, mais c'est une toute petite troupe en réalité. L'Angleterre, au cours de l'été 1940, est seule face aux nazis, et encore une fois, les nazis accumulent les victoires et personne ne donne très cher de la possibilité pour la Grande-Bretagne de résister à l'Allemagne et a fortiori de l'emporter. Il y a un certain Winston Churchill qui a été élu Premier ministre quelques semaines auparavant. Quelle va être sa politique justement face à Hitler ? Alors, Churchill est un lion. Churchill, dans ses discours, va galvaniser véritablement le peuple britannique. Nous ne nous rendrons jamais. We shall never surrender. Et ça joue un rôle essentiel. Voilà. Psychologique. Psychologique, très important pour galvaniser le pays. Et dans une situation où il a vraiment très peu d'atouts dans sa manche, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour maintenir à flot l'Angleterre, notamment en créant un nouveau service secret. Les Britanniques ont des services secrets déjà d'espionnage, le MI6. Il va créer un nouveau service secret pour organiser des opérations clandestines en arrière des lignes allemandes. Est-ce que ça veut dire que même le Parlement britannique n'est pas au courant de la création de ce SOE ? Effectivement, c'est un service absolument secret qui va rester secret pendant longtemps et qui est confié au ministre de la guerre économique, mais qui est clandestin. Et en quoi, Sébastien Albertelli, en quoi ce nouveau service d'espionnage, le SOE, est-il différent de l'Intelligence Service, du MI6 dont vous parliez ? Alors en fait, le SOE n'est pas un service d'espionnage, c'est un service secret comme le MI6, mais le MI6 a pour fonction de réunir des informations, des renseignements sur l'ennemi, alors que le SOE est un service d'action dont le rôle est d'organiser les résistants sur le continent pour qu'ils passent à l'action, c'est-à-dire qu'ils utilisent des bombes, etc. Donc le message de Churchill, c'est « mettez le feu à l'Europe », ce qui est très très différent de ce que font les agents très discrets du MI6 qui, au contraire, essayent de se fondre dans la foule pour passer le plus discrètement possible. Le SOI, c'est un service de combat. Sébastien Albertelli, nous allons nous retrouver dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion sur Violette Zabot et sur les services britanniques dans la Seconde Guerre mondiale. Le temps d'écouter Violette Zabot, une espionne du SOE, un texte original de Maya Boquet, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Sophie Haute-Picon. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Je cours dans les rues de Londres. Ce que j'aime, ça, courir. Depuis toute petite déjà, dans la campagne Picarde en France, avec mes 4 frères, je courais et j'étais toujours la plus rapide. Et aujourd'hui encore, je cours sur le macadam londonien plus vite que jamais. Je me rends au défilé du 14 juillet à Camden Street. J'ai entendu ce matin sur la BBC que les rescapés de la bataille de Dunkerque étaient arrivés à Londres et que le Bastille Day, comme on dit ici, serait célébré en leur honneur. Je me suis précipitée sur mes habits du dimanche. Je me suis mise en route. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas été avec des Français, autres que ma mère. Et juste avant de partir, maman qui me demande de ramener un soldat pour le dîner. Son regard était si suppliant. Violette, attends-moi ! Un soldat. Violette, attends-moi s'il te plaît ! Tu cours trop vite, j'arrive pas à suivre ! Il fait une chaleur aujourd'hui ! Encore un petit effort, Winnie ! On arrive bientôt. J'en peux plus, maman. Allez, on va rater le début du défilé. Non, j'ai un énorme point de côté et j'ai trop chaud. Ah, Winnie, faut qu'on se dépêche. Si on veut profiter de la fête avant de rentrer pour le dîner. Je sais, mais c'est une de mes forces. Elles n'ont pas la même constitution, Violette. Je ne peux pas courir comme ça, comme une gamine. Allez. C'est une idée bizarre quand même de vouloir ramener un soldat si c'est pour être assis autour de la table avec tes parents, alors que pour une fois nous devons nous amuser dehors. C'est vrai, mais j'ai promis. Il y aura peut-être des Polonais. Ils sont sexy les Polonais dans leur uniforme, non ? Tu trouves pas ? Bien plus que les Français en tout cas. Peut-être, mais je crois pas qu'il y aura des Polonais. C'est la fête nationale française. Enfin, ce serait dommage d'arriver tout débraillé et bon sûr devant les soldats. D'accord. Marchons. Mais aujourd'hui, je te préviens, je suis pas là pour flirter. Je veux oublier nos inquiétudes et célébrer la France libre. Être gay, optimiste, danser avec légèreté, boire comme un homme et chanter à tue-tête. Londres, 14 juillet 1940. La jeune Violette Bouchel court vers son destin plus vite qu'elle ne le pense. Cela fait maintenant 8 ans qu'elle est arrivée en Angleterre pour rejoindre ses parents venus s'installer ici quelques années plus tôt afin d'échapper à la Grande Dépression. De père anglais et de mère française, Violette partage depuis toujours son identité entre les deux pays et parle tout aussi bien les deux langues. Le souvenir de la France lui est cher Elle est née le 26 juin 1921 à Paris, puis a passé toute son enfance en Picardie, près de Dunkerque, avec ses quatre frères et ses cousins. Aujourd'hui, à 19 ans, alors qu'elle est devenue une très belle jeune femme, Violette s'apprête à rencontrer celui qui sera l'homme de sa vie, Étienne Sabot, un militaire appartenant à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère des forces françaises libres. Un rescapé de la terrible bataille de Dunkerque, qui a vu battre en retraite l'armée britannique et les unités belges et françaises face à l'encerclement de la Wehrmacht. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Allez, une autre pinte, Winnie. Ouh là là, la première me tourne déjà un peu la tête. Petite nature. Moi, je reprends une. Et je trinque aux forces libres. Vous avez bien raison, mademoiselle. Tu entends, Winnie? Trinquons. Yes. Aujourd'hui, monsieur, je suis heureuse d'être parmi les miens. Violette est une moitié-moitié. Tout à fait. Une moitié-moitié? Moitié anglaise, moitié française. Et vous, monsieur? Vous ne ressemblez pas vraiment à un Français, malgré votre uniforme. Ah, vous avez l'œil, mademoiselle. Je me présente, Étienne Sabot, lieutenant dans les forces françaises libres. Moitié français, moitié hongrois. Eh bien, santé, monsieur Sabot. Au moitié-moitié, et à la liberté. À la conquête de la liberté. Eges chegadre. Eges chegadre. Ah, et puis dansons. Vous voulez danser avec moi? Mais je vous préviens, si vous acceptez, je vous kidnappe pour ce soir. Et vous viendrez dîner dans ma famille. Ma mère, qui est française, prépare une spécialité picarde. Eh bien, il serait malvenu de refuser une proposition si appétissante. Je vous autorise à me kidnapper, mademoiselle. Mais seulement après que vous m'ayez accordé cette danse. Le coup de foudre est immédiat. Violette et Étienne Sabot se marient un mois plus tard, le 21 août 1940, à Aldershot, dans le Hampshire. Après une rapide lune de miel, Étienne reçoit l'ordre, début septembre, de repartir sur le terrain avec les forces françaises libres à Dakar. De son côté, Violette s'engage comme volontaire dans l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique. Après une formation de quelques mois, elle est intégrée dans une batterie de la DCA, la lutte anti-aérienne, et devient opératrice de contrôle de tir, alors même que le pays est bombardé sans répit par la Luftwaffe, l'aviation allemande, qui tente de faire tomber l'Angleterre. Je ne reconnais plus Londres. Cela fait des semaines que ça dure. Les Allemands détruisent tout ce qu'ils peuvent. La Tamise est devenue une rivière de pierre. Mais la cathédrale Saint-Paul tient bon. Comme nous. Il faut que je me dépêche. La nuit tombe et je dois être à mon poste. Je repère les bombardiers ennemis sur les radars. J'aime me sentir au cœur de l'action et participer au combat pendant qu'Étienne est lui aussi en train de se battre. De septembre 1940 à mai 1941, les avions de la Luftwaffe bombardent sans relâche l'Angleterre, qui résiste avec bravoure et détermination. Violette et Étienne ne se retrouveront qu'à partir de l'été 1941, presque un an après leur première rencontre. Mais leurs retrouvailles sont à nouveau très courtes. Au bout de 2 semaines, Étienne est rappelé pour aller se battre. Malheureusement pour les jeunes mariés, il en sera ainsi pendant plusieurs mois. Étienne vient de recevoir son nouvel ordre de mission. Il repart demain. Comme d'habitude, nous avons à peine le temps de profiter l'un de l'autre, qu'il doit déjà repartir. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, ça me contrarie. J'ai comme un goût amer dans la bouche. J'ai comme un pressentiment, un mauvais pressentiment. Oh, le bébé bouge. C'est tout de même curieux, cette petite chose à l'intérieur de moi. Je me demande quelle tête il va avoir. J'espère qu'il n'aura pas les oreilles d'Étienne. Ça va, ma chérie? Tu as le regard sombre. À quoi penses-tu? Étienne, des fois je me demande si nous arriverons à la gagner, cette guerre. Violette, ma belle, il faut garder espoir. Avec toutes les forces alliées réunies, nous arriverons à vaincre l'Axe. Oui, tu as sans doute raison. Je suis plus pessimiste ces derniers temps. Mais Étienne, pourquoi dois-tu repartir si vite alors que ton fils est dans mon ventre? C'est donc ça? Alors que notre fille est dans ton ventre? Un garçon, Étienne, je le sens. Et il aura tes yeux perçants. Je te parie le contraire. Et de très grandes oreilles, comme les tiennes, Étienne. Une fille aussi belle et aussi têtue que sa mère. Et nous l'appellerons Jean. James, non? Charles, comme le général. Charles Sabot. Oh, non, non, c'est un peu trop dur à dire. Winston? Peut-être, comme le Premier ministre. Ah, Winston Sabot. Oh, c'est bien ça, non? C'est encore plus difficile à dire. Comme ce sera une fille, je te propose que nous l'appelions Tania. Étienne. Dis-moi que tu essaieras de revenir pour voir notre enfant lorsqu'il arrivera. Je te le promets. Violette accouche le 8 juin 1942, pendant qu'Étienne est en Libye et s'illustre brillamment dans la bataille de Bir Hakeim. Le bébé s'avère être une petite fille, que Violette nomme immédiatement Tania. Le papa la prend par courrier, mais ne peut malheureusement pas revenir en Angleterre pour voir son enfant. Le combat contre l'Afrika Korps de Rommel est des plus acharnés et tous les soldats des forces libres sont réquisitionnés. Violette, de son côté, quitte l'Auxiliary Territorial Service et s'installe à Notting Hill pour élever tranquillement sa fille. 4 mois plus tard, le 24 octobre 1942, elle apprend la mort de son mari des suites d'une blessure à la poitrine reçue lors de la seconde bataille d'El Alamein en Égypte. Violette est effondrée. Étienne n'aura jamais vu sa fille. Tout d'abord inconsolable, puis pleine d'un désir de vengeance, c'est à cette même période que Violette est repérée par les services secrets et qu'elle reçoit une étrange proposition pour un emploi très spécial. Se sentant dans une impasse et désireuse de s'engager plus avant dans la lutte contre le nazisme, elle accepte de répondre à cette proposition, ne sachant pas vraiment de quoi il retourne. Violette, reine, Elisabeth, Sabot, âge, 22 ans, langue parlée, français, anglais, situation de famille, veuve, veuve de guerre, et mère, jeune mère, seul. Moyen d'existence? Oui. Opinion politique? Qu'est-ce que je mets? Pour la France libre? Pour la fin de cette foutue guerre? Opinion politique, ils sont drôles. Aucune. Ensuite. Après plusieurs questionnaires, entretiens de sélection et tests de langue, tous passés avec succès, Violette est introduite en juillet 43 au QG du SOE à Baker Street, dans le West End de Londres. Le SOE, acronyme de Special Operations Executive, est une organisation secrète créée dans l'urgence, juste après la défaite de Dunkerque, qui précipite un bouleversement dans la pensée stratégique britannique. Le ministre de la guerre, Hugh Dalton, propose alors de mettre sur pied une organisation subversive et clandestine qui opérera en territoire occupé par l'ennemi, directement de l'intérieur. La principale mission du SOE sera de nouer des liens avec les mouvements de résistance locaux, de les former au combat, de les aider à commettre des actes de sabotage et de recueillir tous renseignements utiles pour préparer la contre-offensive alliée. Churchill donne son feu vert en juillet 41. Savez-vous conduire une voiture, une moto, un camion, faire de la voile, de l'alpinisme, piloter un avion, monter à cheval, skier, boxer? Non. Savez-vous nager, faire de la bicyclette, de la course à pied, du patin à glace, de la gymnastique, tirer au pistolet et dessiner? Oui. Dans les bureaux de Baker Street, donc, Violette rencontre tout d'abord Maurice Buckmaster, le chef de la section F comme France. Ensuite, l'officier Vera Atkins, une femme impressionnante et mystérieuse qui coordonne toutes les préparations des futures missions sur le terrain des agents secrets. Miss Atkins a une trentaine d'années. Elle est donc nettement plus âgée que toutes les jeunes femmes nouvellement recrutées par le SOE. Assise sur son bureau, elle fume tranquillement une cigarette et de ses yeux gris-bleus, fixe Violette, installée de guingois sur une petite chaise. Immédiatement? Oui, immédiatement, mademoiselle. Demain, vous irez à Lily White's pour vous faire faire votre uniforme de la Fanny, le corps des infirmières d'urgence volontaire. Ce sera votre couverture pendant votre formation d'agent secret. Nous avons encore quelques difficultés à faire reconnaître le statut des femmes dans l'organisation. Nous devons donc biaiser. Votre mari est entêté militaire. Il est logique aux yeux de l'armée que vous y soyez engagée. Mais il faut d'abord que je prenne des dispositions pour ma fille. Je ne sais pas encore à qui je vais la confier. Combien de temps dure la formation exactement? Au minimum 6 mois. Au maximum 9 mois. Vous serez d'abord formée comme agent de liaison, puis nous verrons si vous avez les compétences pour être radio-opératrice. 9 mois ? Qu'est-ce que je vais faire de ma fille, Tania ? Vous avez de la famille, Violette ? Vos parents, peut-être ? Non, non, non, je ne veux pas leur confier ma fille, non. Mon père est trop rude et je ne veux pas que l'argent de la pension lui revienne, ni même qu'il ait son mot à dire sur quoi que ce soit. Je dois réfléchir. Il faut que je prenne le temps de réfléchir un peu. Bien sûr, Violette. Il faut que vous trouviez le bon tuteur pour Tania. C'est important. Nous sommes là pour vous aider si vous le souhaitez. Nous connaissons des gens. Ne vous inquiétez pas. Nous prendrons toutes les dispositions pour que votre fille soit en sécurité et prise en charge. Oui. Il faut une personne de confiance avec qui je saurai Tania heureuse. Vous pouvez compter sur moi. Je suis là pour vous suivre et vous guider tout au long de votre formation et jusqu'à votre départ sur le terrain. Oui. Le terrain, qu'est-ce que c'est ? Le nom de code des territoires ennemis. Vous devez savoir qu'une équipe envoyée sur le terrain est constituée d'un chef de réseau qui recrute des hommes et des femmes dans le but d'organiser une cellule de résistants. Il gère également l'approvisionnement en armes et repère les sites à saboter. Il est accompagné d'un radio-opérateur, dit pianiste, qui transmet des messages codés à Londres, et d'un agent de liaison, dit courrier, qui parcourt le plus souvent de longues distances à bicyclette ou en train pour faire le lien entre les réseaux. Et à ce poste, les femmes passent plus souvent inaperçues que les hommes. Enfin, vous apprendrez tout cela lors de votre formation. Buvez ce verre d'eau et ressaisissez-vous. Je ne vous apprends rien en vous disant que si vous vous engagez avec nous, Violette, il faudra tourner la page. Vous ne reverrez plus votre famille avant la fin de cette guerre. Il ne faut pas fléchir. Il faut dompter ses émotions. Devenir agent secret, c'est ne communiquer à personne ce que vous faites. Jamais. Nous attendons de vous intelligence, discrétion et détermination. Réfléchissez bien. Je vous le demande avant qu'il ne soit trop tard. Êtes-vous certaine de vouloir vous engager ? À personne. Je ne peux dire ce que je fais à personne. Ni mes angoisses, ni mes doutes, ni mes peurs. Dompter ses émotions. Oh, Étienne, dis-moi que je n'abandonne pas notre enfant. Je ne peux pas rester là à rien faire et attendre que la guerre se termine. Il faut que j'agisse, sinon je vais devenir folle. Violette, je vous le demande avant qu'il ne soit trop tard. Êtes-vous bien certaine de vouloir vous engager ? Oui, Miss Atkins, vous pouvez compter sur moi. Très bien. Je n'ai jamais douté de votre détermination, Violette. Je veux juste que ma fille soit en sécurité. Vous avez ma parole. Une cigarette ? Merci. Nous sommes votre nouvelle famille maintenant. C'est une grande chance de vous compter parmi nous. Bien, bien, bien, bien. Il faut à présent que vous passiez au bureau 55 pour signer l'Official Secrets Act. Après ces formalités, vous pourrez retourner auprès de votre fille et lui dire au revoir. Quant à nous, nous vous attendrons dans 2 jours, ici même, pour commencer votre entraînement. Juste un dernier conseil. Ne parlez pas. Ne posez pas de questions. Moins vous en saurez, et moins vous pourrez en dire si le pire devait arriver. Après avoir laissé sa fille chez une nourrice, Violette est officiellement intégrée dans le corps des Fanny et en même temps, en secret, commence sa formation de courrier et de radio-opératrice. Violette suit d'abord un entraînement militaire et physique très poussé. Elle est également initiée au maniement des armes, des explosifs, au rudiment du sabotage et, chose indispensable pour sauver sa peau, elle apprend l'art de tuer en silence. Après cette première étape sélective, elle intègre la formation parachutiste à Ringway Airport, près de Manchester. Elle n'en est pas à son premier saut lorsqu'après une mauvaise réception, elle se blesse à la cheville. Elle doit alors faire une pause et récupérer ses forces avant de poursuivre son apprentissage. Ma cheville ne me fait plus mal. Cela fait 2 mois que je suis rétablie et que j'ai repris l'entraînement. Je suis maintenant à la Finishing School, où l'on m'enseigne les techniques de clandestinité et de sécurité. Avoir l'air naturel et quelconque, alors même que l'on s'apprête à faire quelque chose qui ne l'est pas. J'ai aussi appris l'art du déguisement, l'art de l'évasion, la reconnaissance des uniformes, l'organisation de la Gestapo et des services de contre-espionnage. Et enfin, dernière étape et non des moindres, la mise en place d'un poste d'émission radio dans diverses zones inconfortables. La transmission, la réception, l'encodage et le décodage, et exercice difficile, le morse, encore et encore, jusqu'à obtenir un doigté de pianiste. Mais je n'y arrive pas, impossible. Je ne parviens pas à mémoriser le poème que le bureau de cryptographie m'a confié et je fais beaucoup trop de fautes de frappe. Si je suis une des meilleures gâchettes du SOE, il faut bien l'avouer, je suis une piètre pianiste. Je vous ai préparé un poème à encodage unique, Violette. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. The life that I have. Après son entraînement à la Finishing School, Violette rencontre le jeune et brillant cryptographe du SOE, Léo Marx, qui est chargé de l'entraîner pour qu'elle parvienne enfin à encoder son poème. C'est de Léo Marx que vient l'idée d'équiper chaque agent secret d'un code qui lui soit propre, afin d'empêcher que l'arrestation de celui-ci ne donne aux Allemands les clés de tout le réseau. Car il faut savoir que si un agent est torturé, il l'est avant tout pour ses codes. Dans les locaux du SOE à Londres, Léo Marx propose à Violette un poème plus simple à encodage unique. A sleep I shall have, a rest I shall have, yet death will be but a pause. For the peace of my years in the long green grass will be yours and yours and yours. Ah, c'est beau. C'est de qui? Je ne sais pas. C'est de vous? Non. Enfin, non mais me regardez pas comme ça, oui c'est de moi, bon voilà, on va pas non plus en faire une affaire. Je teste un nouveau système. Jusqu'à maintenant j'utilisais des poèmes d'anthologie pour y dissimuler les codes. Mais les Allemands ont trouvé le truc pour les décoder. Ils achètent les bouquins et n'ont plus qu'à les déchiffrer pour trouver la clé. Alors, j'ai décidé de changer de stratégie et d'écrire mes propres poèmes. Ils pourront toujours les chercher chez des bouquinistes. Et celui-ci, Violette, est le tout premier. Nous allons tester ensemble si ce nouveau système fonctionne. Vous avez une lourde responsabilité. Un poème comme une arme. C'est exactement ça. Tenez, voici votre grille de codage à usage unique. Il ne faut pas la perdre. Et comme je sais que vous n'êtes pas très à l'aise avec l'encodage, celui-ci est spécialement adapté à vos compétences. Vous verrez, c'est très simple. Mais pourquoi est-ce que tous les deux sont écrits sur un mouchoir de soie? Pour pouvoir le coudre dans votre doublure sans qu'il soit repéré, si vous deviez être prise. Mais je ne pense pas que... Je crois que je le sais déjà. Quoi? Le poème. Ah ah, très bien, vous me faites honneur. Alors brûlons-le. Quoi? Le poème? Oui, pas de traces, le moins de traces possible. Allez, hop, où est-ce que j'ai mis les allumettes? Voilà, une allumette, et... Voilà, disparu. Plus de poèmes, à vous. Pire qu'à l'entraînement, monsieur Léo. Allez, pas chiquer, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes en guerre, après tout. The life that I have is all that I have, and the life that I have is yours. The love that I have of the life that I have is yours and yours and yours. A sleep I shall have, a rest I shall have, yet death will be but a pause for the peace of my years in the long green grass will be yours and yours and yours. Parfait, j'en étais sûr. Il n'y a que les doigts qui paniquent, pas la tête. Allons boire une bière maintenant. J'ai eu une journée harassante, pas vous? Ah si, moi aussi. Maureen, je décampe. Prenez les appels encore une demi-heure et revenez demain matin. Violette, je peux vous demander quelque chose? Êtes-vous vraiment prête à faire ce pour quoi vous allez partir? Personne ne connaît son point de rupture à l'avance. Vous ne me comprenez pas. Vous êtes jeune, belle, pleine d'énergie, et surtout vous avez votre fille. Voyons Léo, nous savons tous les deux que le SOE est notre nouvelle famille. Votre malice vous sauvera. Mais mon courage me perdra. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est être prêt à faire ce dont on a peur. 50% de chance de revenir, 50% de chance de ne pas revenir. Allez Léo, trinquons. Et demandons au marchand de sable de nous apporter un rêve. Le 4 avril 1944, Violette reçoit son premier ordre de mission en tant que courrier. Elle travaillera avec Philippe Louer, qui un an plus tôt a constitué le réseau Salesman dans la région stratégique de Rouen et du Havre, en prévision du futur débarquement. Il est parvenu à former au combat et au sabotage près de 300 résistants locaux, avant de rentrer à Londres quelques mois plus tard pour faire un rapport détaillé des activités du réseau Salesman à ses supérieurs. Mais fin février 1944, par l'intermédiaire d'une mouche, un indicateur infiltré, la Gestapo a grillé le réseau et arrêté plus de la moitié de ses membres. Violette découvre donc l'objet de sa première mission, en compagnie de Louer, relancer le réseau en Normandie avant le démarrage de l'opération Neptune, nom de code du débarquement prévu pour début juin. Mon premier ordre de mission est mes faux papiers. Mon nom est Corinne Reine Leroy, secrétaire, née le 26 juin 1922 à Bailleul, domiciliée 64 rue Thiers, Le Havre, 1m64, cheveux châtains, yeux marrons. Reine Leroy, c'est facile, c'est le nom de ma mère. Et le 26 juin, c'est ma vraie date de naissance. J'ai aussi un laissez-passer qui me permettra de voyager en train sans être repérée par les autorités locales. Mon pseudonyme sur le terrain est Louise. C'est donc comme ça que mes coéquipiers m'appelleront en mission. Vous serez placé sous les ordres de Philippe Louer, nom de code Hamlet. Vous vous rendrez sur le terrain en Lysander avec Hamlet à la lune d'avril et serez accueilli par un comité de réception en un point situé à 11 km ouest-sud-ouest de Cherbourg, 6 km est-nord-est de Flamanville. Je comprends que nous serons donc parachutés assez loin de Rouen et devrons ensuite nous y rendre par nos propres moyens. En votre qualité d'agent de liaison, vous vous occuperez des familles des personnes arrêtées. Vous voyagerez entre Paris et Rouen pour prendre contact avec les membres du réseau qui n'ont pas été grillés par la Gestapo. Et avec votre chef Hamlet, vous relancerez le réseau Salesman autour de Rouen. Pour cette mission très spéciale et au vu des derniers événements survenus dans le réseau Salesman, vous remplacerez l'opérateur radio PP, arrêté et capturé par la Gestapo. Vous recevrez et enverrez les messages pour le réseau d'Hamlet. Vous n'émettrez que les messages qui vous seront transmis par Hamlet ou qui auront été approuvés par lui. Le mot de passe du réseau d'Hamlet est « Je viens de la part de Célestin, ah oui, le marchand de vin ». Si par suite de circonstances imprévues, Hamlet disparaît, vous nous en aviserez et vous recevrez d'autres instructions directement de nous. Le 5 avril 1944, à l'aérodrome de Thamesford, au nord de Londres, Violette et Philippe Louer s'apprêtent à embarquer à bord d'un Lysander, l'avion de liaison utilisé spécialement pour le transport et la récupération des agents secrets du SOE, qui les parachutera en Normandie. Avant de partir, quelques derniers préparatifs sont assurés par Miss Atkins, qui veille comme une mère sur ses jeunes recrues. Bien, les enfants, le ciel est dégagé, la lune est pleine, et le message de la BBC annonçant votre arrivée vient d'être diffusé. Le comité d'accueil sera en place. On l'espère. Si le réseau est grillé, on peut s'attendre à tout. Pas de mauvais esprit, Philippe. On y croit, et c'est la moitié du boulot. Bien. Violette, laissez-moi examiner votre sac. Merci. Ok. Très bien. Les étiquettes sont bien françaises. Ok. Pouvez-vous retourner une dernière fois vos poches? Aucun penny n'y traîne? Non, Miss Atkins, pas de penny. Bien. Donnez-moi vos cigarettes anglaises. Merci. Voici des françaises. Pour vous, Violette, des élégantes. Et des gauloises pour vous, Philippe. Un journal local également. Et un tube de rouge à lèvres Chanel pour vous, Violette. Merci. Chic, l'organisation a des ressources, ça nous rassure. Dévissez-le, Violette. Et vous trouverez dedans, en cas de besoin, votre pilule de cyanure. Bon, allez les enfants. Il est temps de partir avant que le temps ne se couvre. Je vous souhaite bonne chance. Ça va pour vous, Louise? Très bien, Hamlet. Parfait. On devrait arriver à 3h, heure locale. Pendant ce temps-là, nous pouvons dormir un peu. Dormir, il est amusant. Je ne sais pas comment il fait pour être si tranquille. Surtout si le réseau est grillé. Qu'est-ce qui nous attend arrivé là-bas? Allez, ne pense pas à ça, Violette. Dompte tes émotions. Oh, ce que je voudrais pouvoir faire quelque chose, là, maintenant, tout de suite, ne pas s'attendre. Jouer au poker, ou manger un steak frites. Ah oh, oui, un bon steak frites. Nous arrivons dans 45 minutes. 45 minutes. Plus que 45 minutes avant de sauter. J'espère que ma cheville va tenir le coup. Le parachute est en place. Ok. J'espère qu'il va bien s'ouvrir. Et que je ne vais pas tomber dans un arbre. Nous arrivons au-dessus de Cherbourg. Préparez-vous à sauter dans 10 minutes. 10 minutes ? Philippe me sourit. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas quelle tête je fais, mais j'ai la terrible sensation d'avoir une horrible grimace collée sur mon visage. Attention, Hamlet, c'est à vous. Go. Wiz, c'est à vous. Go. Une fois sur le terrain, Violette se rend seule à Rouen. Sur place, elle découvre la photo de Philippe Loueur affichée sur les murs de la ville. Elle ne peut que constater l'anéantissement du réseau. Il est désormais impossible à Philippe d'opérer dans la région. Violette fait alors preuve d'un sang-froid et d'une audace exceptionnelle. Elle se rend à Paris et rencontre les résistants qui ont échappé aux arrestations. Après 3 semaines de reconnaissance, elle relance le réseau Salesman. Puis le 30 avril 1944, Violette et Philippe sont ramassés par un Lysander dans l'Indre et rentrent à Londres. Ils ont accompli leur mission avec brio et rapportent également dans leurs valises des rapports sur des installations allemandes dans la région de Rouen et du Havre. Ces documents s'avéreront précieux pour cibler les bombardements. Et avec Ingrid Bergman, dans Casablanca. Un magnifique Bergman, une classe incomparable. Un peu comme vous d'ailleurs, Violette. Vous savez que vous lui ressemblez. Paraît-il, mais en plus laide. Et en plus drôle. Ah, je suis pas bien au show Hollywood pour me permettre d'être mélancolique. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Qui a dit ça ? Victor Hugo. Ah bah, je n'y compte pas. Être complaisante dans mon malheur, non ? 4 juin 1944, dans le cottage de Hassel's Hall, non loin de l'aérodrome de Thamesford. Violette et Philippe attendent l'ordre de décoller pour leur deuxième mission ensemble. La météo est mauvaise, ce qui inquiète l'état-major. Aucun Lysander ne peut partir. En effet, l'annonce du débarquement est imminente et les équipes du SOE doivent prendre le relais dans les maquis après la phase d'assaut de l'opération Neptune. Alors, pendant 3 jours, Violette et Philippe patientent en écoutant des disques. Et dans le Faucon Maltais, vous l'avez vu ? Ah, ce beau garde ! Il donne envie de faire du cinéma. Faites du cinéma, pas la guerre. Vous avez de ces répliques, Violette. Mais ça vaut pas la dernière scène. Racontez-moi. Gros plan sur Bogart et la femme fatale. Je sais plus son nom. Un dernier baiser passionné, puis la sonnette retentit. C'est le commissaire qui débarque. Et Bogart lui livre ni une ni deux la femme fatale qui l'a trahi. Il lui remet également la statuette. Le commissaire ne comprend rien, il n'a rien suivi de l'affaire. Et il lui demande, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je me souviens. Et Bogart répond, la matière dont sont faits les rêves. The stuff that dreams are made of. Et l'autre le regarde circonspect, se demandant en quoi une statuette en forme de faucon pourrait bien contenir les rêves de tout un chacun. Les rêves sont faits pour nous tenir debout. La colère est faite pour nous tenir debout. Les rêves sont là pour nous aider à nous sentir libres. Peut-être. Je ne sais plus très bien aujourd'hui de quoi sont faits mes rêves. Tu te lasses jamais de cette chanson, Violette ? And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Sur les ondes radio, le signal du débarquement est donné. C'est le jour J, tant attendu et tant préparé. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans les maquis. C'est l'objet de la deuxième mission de Philippe et de Violette. Ils doivent atterrir dans le Limousin, à côté de Sussac, et lancer le réseau Salesman 2, qui formera les résistants de la région. La bataille suprême est engagée. L'urgence dans cette région est d'empêcher la 2e division SS d'Das Reich, qui stationne depuis plusieurs mois dans le sud de la France, de gagner la Normandie. la résistance doit ralentir sa progression par tous les moyens. Plus de 20 000 maquisards sont prêts à en découdre, mais ils ne sont formés ni au combat ni au sabotage. Finalement, après plusieurs faux départs, c'est dans la nuit du 7 au 8 juin 1944 que le Lysander décolle. Nous venons de passer Limoges. Attention, préparez-vous à sauter. Bon, ça va être à moi. Le parachute est bien en place. Les lacets des chaussures, le rouge à lèvres, les cigarettes françaises, mes papiers. J'ai mis mes papiers. Oh non, c'est pas vrai. Où j'ai mis mes papiers? Ah là. C'est bon, tout est en ordre, je sais où sont les papiers. J'ai bientôt 23 ans. Je suis encore en vie. Et bientôt la guerre sera finie. Et aujourd'hui, Tania a 2 ans. Oh, ma petite. Comme tu as dû grandir. Attention, stop! Violette saute. Elle atterrit sans encombre dans un champ. Le soleil se lève. L'équipe est accueillie par le comité de réception. Et dès le lendemain, Hamlet prend contact avec Georges Guingouin, le chef des maquis du Limousin, pour organiser la formation de saboteurs. Le 10 juin 1944, alors que le réseau prend de l'ampleur et que l'heure de la confrontation ouverte avec les troupes d'occupation a sonné, Violette est prise dans une embuscade tendue par la division Das Reich qui a reçu l'ordre de nettoyer tous les réseaux de résistants qu'elle croise sur son chemin. Violette se défend comme elle peut, déchargeant sa mitraillette sur l'ennemi, s'enfuit, court à perdre haleine, mais sa cheville cède. Elle tombe et elle est arrêtée. Elle est transférée au Sicherheitsdienst de Limoges, le service de renseignement de la SS, où elle est interrogée et torturée. Puis à Paris, avenue Foch. Mais elle ne parle pas. Le 8 août 1944, elle est déportée à Ravensbrück avec 2 de ses collègues du SOE, Lilian Rolf et Denise Bloch. Entre le 25 janvier et le 5 février 1945, alors que les Alliés entrent en Allemagne, et 2 mois avant la libération du camp, elles seront toutes 3 exécutées d'une balle dans la nuque. Violette ne connaîtra jamais la victoire à laquelle elle a consacré toute sa jeunesse. The life that I have is all that I have, and the life that I have is yours. Violette Zabo, une espionne du SOE, de Maya Bocquet avec Violette Irène Jacob, Winnie Wilson, Marlène Goulard, Étienne Zabo, Mathias Simon, Vera Atkins, Anne Cart, Léo Marx, Duncan Evenou, Philippe Leuer, David Houry, le dispatcher Stéphane Setac et les voix de Henri Leguin, Grégoire Daronian-Kirchner et Fanny Marie. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre Monteil et Nicolas Depas Graff, assistant à la réalisation Yaël Mandelbaum et Vivien Demeyer, réalisation Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Violette Zabo et sur les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale avec mon invité Sébastien Albertelli. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Je me suis endormi dans tes bras sous le ciel en juillet. On a vraiment essayé, tu me regardes, je me réveille, j'ai trop pleuré. Et tu m'embrasses, et tu m'embrasses tendrement. Et tu m'embrasses, et tu m'embrasses tendrement. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh auparavant, auparavant. Le vent d'été nous sépare doucement. Le vent d'été nous sépare doucement. Le vent d'été nous sépare doucement. Le vent d'été nous sépare. Le vent d'été nous sépare doucement. Louisa, l'hiver en juillet, dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Sébastien Albertelli, vous connaissiez bien sûr l'histoire de Violette Szabo. Est-ce que son histoire ressemble à beaucoup d'autres, à celle de beaucoup d'autres hommes et beaucoup de femmes du SOE, donc pendant la Seconde Guerre mondiale? Une histoire courte, oui, une histoire dramatique quand même. Bien sûr, bien sûr. Son histoire ressemble beaucoup à celle de quelques centaines d'agents qui sont partis en territoire occupé, dont beaucoup ont subi le même sort, ont été arrêtés et déportés, dont beaucoup ne sont jamais revenus. Ces agents, il faut le savoir, sont des combattants et en même temps, ils sont des agents secrets, c'est-à-dire qu'ils partent sans uniforme, ils partent pour combattre de façon clandestine, c'est-à-dire que quand ils sont arrêtés, ils ne bénéficient, ils le savent, d'aucune des garanties du droit de la guerre, si tant est que les nazis aient respecté ces règles-là. Et dans la fiction, on voit d'ailleurs que Violette Szabo reçoit une pilule de cyanure, une L-tablette. Dans son rouge à lèvres. C'est vraiment l'objet qui incarne le mieux leur statut très particulier. Ils savent que pour eux, il n'y a pas de salut dès lors qu'ils se feront prendre. L'enjeu n'était pas simplement de partir dans un camp de prisonniers comme pour un soldat, mais on le voit, évidemment, les mauvais traitements, les tortures. Ils étaient considérés sans doute comme les plus dangereux des ennemis et aussi comme des gens qui connaissaient un certain nombre de choses sur les méthodes répressives des nazis puisqu'ils avaient subi les conséquences même de leur arrestation. Et voilà, donc il s'agit pour Hitler de faire table rase, d'essayer d'effacer les traces de leurs propres méfaits. Oui, parce qu'on est au début 1945 et Hitler sent le vent tourner. Voilà, certains ont été exécutés fin 1944, début 1945 et puis jusqu'au tout dernier jour de l'existence de l'Allemagne nazie. Au tout départ, donc on entend dans l'histoire de Violette Szabo, elle est engagée un peu par hasard dans ce service, ce SOE. Quelles étaient les motivations donc de ces hommes et de ces femmes, toujours très jeunes, qui s'engageaient dans le SOE? C'était du patriotisme? Est-ce qu'ils avaient conscience aussi de ce qu'ils faisaient, du danger tout de suite? Oh oui, je pense qu'ils avaient conscience et les services faisaient en sorte qu'ils en aient bien conscience. Il faut voir que dans le cas de Violette Szabo, c'est d'ailleurs très net, elle s'est engagée d'abord dans l'armée, elle faisait partie des ATS, elle a servi dans une batterie anti-aérienne, donc il y a la volonté de combattre. Alors, pour une femme, les options pour combattre ne sont pas extrêmement nombreuses, je veux dire, pour combattre directement l'ennemi ne sont pas très nombreuses, celle-ci en fait partie, et même pour les hommes, au départ, cette idée d'aller combattre clandestinement sans uniforme n'est pas très populaire, il faut le dire. Et puis, progressivement, un certain nombre d'entre eux prennent conscience que c'est une façon d'aller porter des coups directement sur les territoires contrôlés par l'ennemi. Ça devient une forme plus attirante de guerre. Ceci dit, le recrutement a toujours été complexe et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le SOE a eu recours à des femmes. Il est désespérément à la recherche d'agents qui soient parfaitement francophone, parce qu'ils doivent se fondre dans la population française. C'est l'atout de Violette Szabo, c'est qu'elle absolument est parfaitement bilingue. Beaucoup de ces agents, qu'ils servent dans les services français ou dans les services britanniques directement, sont des binationaux, ou alors, comme dans son cas, ont une mère anglaise, enfin, maîtrisent les deux langues parfaitement. Des femmes? Parce qu'elles se fondent plus facilement dans le décor, on les soupçonne moins d'être des agents elles sont en France? Pas tellement dans ce cas-là, simplement parce qu'on n'a pas assez d'hommes. C'est de la chair à canon, comme les hommes en réalité. Ceci dit, les Britanniques ont été en avance de ce point de vue-là. Les services français sont beaucoup plus réticents. Ils vont finir par en envoyer un certain nombre aussi, mais les services anglais, le SOE britannique, a très tôt considéré que finalement une femme était capable notamment d'être opérateur radio ou agent de liaison très très bien. Vous parlez des opérateurs radio, c'est une des fonctions les plus importantes, les plus difficiles aussi. Violette Szabo apparemment n'est pas la plus douée, elle est meilleure à la gâchette, dit-elle en tout cas. Mais pourquoi cette fonction est la plus dangereuse, Sébastien Albertelli? Alors c'est la plus dangereuse parce que évidemment chaque insecte c'est une fonction essentielle, les Britanniques mais aussi les Allemands, et que par conséquent les Allemands ont développé tout un système qu'on appelle la radiogoniométrie, qui est un système qui fonctionne avec des antennes et qui permet de repérer un poste en train d'émettre. Il faut expliquer un peu concrètement, donc concrètement, un agent est sur le terrain. Il est sur le terrain, il est généralement dans une maison, on évite d'émettre... En plein milieu de la campagne française, en plein milieu de la ville si possible, on évite d'émettre depuis un endroit isolé parce que précisément on pourra être repéré plus facilement. Donc quand un agent est en train d'émettre, un système de 3 antennes, en fait, par triangulation, va réussir à localiser de façon de plus en plus précise. Et on voit dans les films ensuite cette voiture, une voiture généralement qui ressemble à une camionnette avec une antenne, qui va affiner le repérage. Donc ça, c'est les Allemands. Les Allemands, voilà, qui vont resserrer la nasse autour de l'opérateur radio. Normalement, l'opérateur radio a pris ses précautions et doit être protégé par une équipe. Mais enfin, dans l'urgence et dans la situation de la clandestinité, ça n'est pas toujours le cas. Et par conséquent, un certain nombre se font prendre en train d'émettre. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. L'espérance de vie d'un opérateur radio est très mince. Quelques mois, oui, pas plus. Nous sommes donc en 2016, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'en est-il de la postérité de ces agents du SOE? Est-ce qu'on ne les a pas oubliés sous ces agents? Non, on a beaucoup parlé de ces agents, en particulier en Grande-Bretagne, où très tôt, on leur a consacré des films. Dès 1946, il y a des films consacrés à ces agents qui ont été parachutés en France ou ailleurs. Des livres ont été écrits très rapidement. Après, évidemment, c'est depuis une vingtaine d'années seulement qu'on redécouvre pleinement ces travaux pour des questions d'accès aux archives. Les archives du SOE n'ont été ouvertes qu'en 1998. Voilà, les archives du SOE du côté britannique, les archives du BCRA du côté français ont été ouvertes la même année, 1998. Et là, on a découvert que des montagnes d'archives attendaient d'être dépouillées. Et vous-même, vous les avez dépouillées? Vous avez découvert des choses inattendues? Alors, le problème avec ceux qui travaillent sur les services secrets, c'est qu'on attend d'eux qu'ils découvrent des choses tout à fait inattendues et piquantes. Et qu'ils viennent en plus nous en parler à la radio. Alors qu'en réalité, ces archives, c'est quand même des archives de très vastes administrations qui fonctionnent comme des administrations. Alors évidemment, ça permet de découvrir quand même le parcours de personnes, d'individualités, d'agents qui ont chacun une histoire personnelle tout à fait passionnante. Mais enfin, c'est pas aussi romantique ou aussi romanesque que on pourrait s'y attendre. Merci Sébastien Albertelli, vous êtes l'auteur d'un livre, Les services secrets du général de Gaulle, BCRA 1940-1944, paru chez Perrin. Également, Les services secrets de la France libre aux éditions du Nouveau Monde, avec une préface de Daniel Cordier. Et en mai prochain, vous ferez paraître Histoire du sabotage, la CGT à la résistance chez Perrin. Autant d'emporter l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi y écouter les émissions que vous avez peut-être ratées. Au nom du peuple, sous l'occupation, l'évasion spectaculaire de détenus politiques et l'élimination par la résistance communiste de 4 militants trotskistes. Un crime resté secret pendant plus de 50 ans. Également Madeleine, huguenote et convertie, qui raconte au XVIIIe siècle la persécution des enfants protestants. Ou encore Le bel été de Monsieur Katz, une uchronie mettant en scène Jacques Lacan, Adolf Hitler et imaginant une France en paix en août 1940. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, c'est un polar historique que je vous raconterai. La malédiction de Jacques Pana, une sombre histoire d'envoûtement vaudou dans les années 30 à Lyon. L'inspecteur Bastien Mira mènera l'enquête. Mon invité sera l'historien Gérard Chauvy. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.